Intermède 1er, chronique des événements conservés dans le pupitre de Capitaine Reig. Chronique d'octobre 1846. Je me suis retiré dans le sein de ma famille. Nous avons pour résidence le village isolé de Rosthwarp, sur les bords de l'Esk, à 2 milles environ de Whitby. Notre habitation est confortable, et par surcroît de bien, nous avons une hôtesse propre et rangée. Mrs. Reig et Miss Vanstone m'ont précédé ici, conformément au plan que j'avais arrangé pour battre en retraite. Le lendemain, je suivis seul leurs traces avec le bagage. J'eus la satisfaction, en quittant la gare, de voir le clerc de l'avocat en conférence intime avec l'agent de police dont j'avais prophétisé la venue. Je le laissai en paisible possession de la ville d'York et de toute la contrée adjacente. Il nous a rendu l'appareil. Il nous a laissé en paisible possession de la vallée de l'Esk, à 30 000 de sa personne. Mes premiers efforts pour cultiver les talents dramatiques de Miss Vanstone ont été suivis de résultats remarquables. J'ai découvert qu'elle mime avec un talent extraordinaire. Elle a, de plus, la souplesse de traits, la docilité de voix et la subtile perception dramatique qui mettent une femme en état de bien jouer les rôles à caractère et à travestissement. Il ne lui manque plus que quelques leçons et un peu de planche pour lui assurer la pleine possession de ses ressources naturelles. Cette épreuve m'a remis en tête une idée qui m'était venue pour la première fois en assistant à une de ces soirées particulières que donnait feu Charles Matthews, notre inimitable comédien. J'étais alors, je me le rappelle, dans le commerce des vins. Nous tâchions d'imiter les procédés que la nature emploie pour faire mûrir la vendange dans une arrière-cuisine de Brompton. Et nous étions arrivés à produire un xérès d'entremets, pâle et bizarre, tonique dans ses effets, emplissant bien la bouche, et fort goûté, disions-nous, à la cour d'Espagne, vendu sur le pied de 19 shillings et 6 pence les 12 bouteilles, verre compris, voire les prospectus de l'époque. Mes profits et ceux de mes associés n'étaient point considérables. Nous étions en avance sur les goûts de nos contemporains et en arrière avec notre marchand de bouteilles. Ne sachant plus trop de quel bois faire flèche et voyant la foule se presser chez Matthews, l'idée me vint de lancer une imitation du grand imitateur lui-même, sous la forme d'une soirée particulière donnée par une femme. À cela, un seul petit obstacle qui était de trouver la femme en question. Depuis l'époque dont je parle jusqu'à ce jour, je n'avais pu surmonter cet obstacle. Maintenant, il est vaincu. À la fin, j'ai trouvé la femme qu'il me fallait. Miss Vanstone, outre son talent, possède jeunesse et beauté. Exercez-la dans l'art du travestissement dramatique. Fournissez-lui des costumes appropriés à différents rôles. Développez ses aptitudes naturelles, comme chant et comme jeu. Alimentez de saillies spirituelles la causerie qu'elle doit avoir avec son auditoire. Annoncez une soirée particulière donnée par une jeune dame. Étonnez le public par une représentation dramatique dont l'intérêt repose d'un bout à l'autre sur les efforts isolés de cette jeune dame. Confiez à mes soins l'entière direction de l'affaire et de tout cela, que s'ensuit-il nécessairement, une grande réputation pour ma belle parente et pour moi une véritable fortune. Aussi franchement que d'habitude, j'ai soumis ces considérations à Miss Vanstone, lui offrant d'écrire le divertissement, de diriger moi-même toute l'opération et d'être de moitié dans les produits. Je n'oubliais pas d'ajouter à mes moyens de persuasion en lui faisant connaître les jalousies qu'elle aurait à combattre, les obstacles qu'elle aurait à vaincre si elle voulait débuter sur la scène. Et je glissais dans mes discours une allusion assez finement tournée à l'enquête particulière qu'elle se propose d'instituer et à l'indépendance personnelle qu'elle désire s'assurer pour agir ensuite d'après les renseignements qu'on lui aura fournis. « Si vous débutez au théâtre, lui disais-je, vos services seront achetés par un directeur, et il réclamera peut-être ses droits avec insistance, au moment même où vous voudriez vous débarrasser de lui. Si au contraire vous adoptez ma manière de voir, vous restez votre maîtresse, vous êtes votre seul directeur, et vous pouvez organiser vos démarches comme il vous plaira. » Cette considération parut la frapper. Elle demanda une journée pour y réfléchir, et au bout de cette journée donna son consentement. Je rédigeai immédiatement par écrit les clauses de cette transaction. à l'exception d'un seul détail, nos arrangements sont merveilleusement bien pris. Elle manifeste cependant une méfiance morbide, toutes les fois que je lui propose d'écrire son nom au bas d'un document quelconque, et déclare alors très nettement qu'elle ne veut rien signer. Elle s'engage verbalement à continuer l'affaire aussi longtemps qu'elle aura intérêt à se pourvoir de ressources pécuniaires pour l'avenir. Quand cet intérêt aura cessé d'exister, elle menace tout simplement de rompre l'association en me prévenant 8 jours d'avance. C'est une petite fille que l'on ne mène pas facilement. Elle sait déjà toute la valeur qu'elle a prise à mes yeux. Ma seule consolation, c'est que j'aurai les comptes à cuisiner, et ma belle parente ne remplira pas ses poches trop soudainement, si cela dépend de moi. J'ai fait diversion au travail que je me donne pour préparer Miss Vanstone à notre prochaine expérience, en écrivant pour elle, c'est-à-dire dans son intérêt, de lettres anonymes. La trouvant un peu trop rétive aux instructions que j'essayais de lui donner pour le règlement de ses rapports avec sa famille, je fis passer une communication sans nom d'auteur à l'avocat chargé des recherches qui la concernent. Je recommandai amicalement à ce digne homme de ne plus se donner tant de peines inutiles. La lettre, adressée sous double enveloppe à un de mes amis de Londres, devait être par lui jetée au bureau de Charing Cross. Une semaine après, seconde missive, passant par le même intermédiaire, et priant l'avocat de m'informer si lui et ses clients étaient ou non décidés à suivre mon charitable conseil. Par une allusion assez facétieuse à l'antagonisme de nos intérêts respectifs, je lui dictai ainsi la suscription de sa réponse « Tit for tat, Post Office, West Strand. À bon chat, bon rat. » Peu de jours après, la réponse arriva, secrètement acheminée, cela va sans dire, au bureau de poste de Whitby, en vertu des arrangements pris avec mon ami de Londres. L'avocat m'écrivait en termes laconiques et de mauvais goût. « Monsieur, si mes conseils avaient été suivis, on vous aurait traité, vous et votre lettre anonyme, avec tout le mépris que l'un et l'autre méritent. Mais la sœur aînée de Miss Magdalene Vanstone a le droit de me trouver docile à ses désirs, et je vous informe, sur sa demande expresse, que j'arrête toutes mes démarches ultérieures, à la condition formelle que cette concession de ma part ouvrira des communications, au moins par écrit, entre les deux sœurs maintenant séparées. Vous trouverez, si incluse, une lettre de Miss Vanstone l'aînée. Si je n'apprends pas d'ici à 8 jours que cette lettre a été remise à son adresse, j'aurai de nouveau recours à l'intervention de la police. William Pendrill. » Ce William Pendrill a l'humeur aigre. Bornons-nous, en ce qui le concerne, à répéter ce qu'un éminent aristocrate disait jadis d'un serviteur grognon. Je ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, avoir le caractère de ce drôle-là. Tout naturellement, avant de la remettre, je pris connaissance de la lettre incluse par l'avocat. Miss Vanstone, l'aînée, se représentait comme désespérée d'être sans nouvelles de sa sœur, comme pourvue d'une place de gouvernante dans une famille, comme devant aller en prendre possession dans la semaine suivante, et comme soupirant après une lettre qui la consola un peu avant qu'elle entreprît la rude épreuve de ses devoirs nouveaux. L'enveloppe, une fois restaurée en son état premier, je pris soin de joindre quelque avertissement à cette lettre, en la remettant à Miss Vanstone cadette. « Êtes-vous maintenant, lui dis-je, plus sûr de votre fermeté que vous ne l'étiez naguère lors de notre première rencontre ?» Elle ne me fit pas attendre sa réponse. « Capitaine Raig, quand vous vînes à moi sur les murs d'York, je n'avais pas encore franchi ce pas qui ne permet plus de reculer. Aujourd'hui, reculer est impossible. Si c'est là son sentiment, et pour ma part je le crois, il n'y a aucun danger à ce qu'elle entre en correspondance avec sa sœur. Elle lui écrivit, dès le jour même, fort longuement, pleura beaucoup sur sa composition épistolaire, et à notre réunion du soir, se montra remarquablement revêche à mon égard. Elle manque d'expérience, la pauvre enfant. Elle n'a pas assez pratiqué le monde. Combien il est consolant de penser que je suis là, tout à point, pour lui donner ce qui lui manque. Intermède 2e, chronique de novembre. Nous sommes établis à Derby. Le divertissement est écrit. Nous répétons à force. Pourvu à toutes les difficultés, sauf une, le manque d'argent. Les ressources de Miss Vanstone peuvent encore suffire à nos besoins personnels, y compris la location du piano, l'achat des étoffes et la façon des costumes, mais ce qu'il faudra pour monter le divertissement dépasse l'étendue de nos moyens. Un de mes amis, un enfant de Thali, que j'ai retrouvé ici, et que j'espérais intéresser dans notre entreprise dramatique, se trouve, par malheur, dans une de ces phases critiques auxquelles nous ne sommes que trop habitués, lui et moi. Le champ des sympathies humaines, où j'aurais peut-être récolté la moisson pécuniaire qui nous fait faute, m'est absolument fermé, le temps me manquant pour le cultiver. Je ne vois donc d'autres ressources, si nous sommes en mesure pour la Noël, que de tenter fortune auprès d'un des marchands de musique de la localité qu'on dit être un spéculateur. Une répétition particulière ici même et un marché qui remplira les poches d'un étranger avide, tels sont les sacrifices que m'impose dès le début une implacable nécessité. À ceci, une seule consolation, je mettrai dedans le marchand de musique. Intermède 3e, chronique de décembre, première quinzaine. Le marchand de musique m'impose, malgré moi, du respect. C'est un de ces rares humains, parmi ceux avec lesquels ma carrière m'a mis en rapport, qui ne veulent pas se laisser duper. Il a su prendre avantage de notre isolement. Il nous a exploités pour nos représentations à Derby et à Nottingham, avec un tel mépris de nos intérêts, un tel désir de faire prévaloir les siens, que disposé comme je le suis à tenir régulièrement mes écritures, je ne puis réellement me résoudre à enregistrer ce déplorable marché. Inutile de dire que j'ai cédé avec toute la grâce imaginable, faisant partager amplement à ma belle parente les inconvénients des conditions pécuniaires qui nous sont offertes. Notre tour viendra. En attendant, je regrette cordialement de n'avoir pas connu à un âge moins avancé cet habile marchand de musique. Personnellement parlant, je n'ai aucune plainte à élever contre Miss Vanstone. Il est convenu entre nous qu'elle fera régulièrement passer son adresse à ses amis, poste restante, bien entendu, au fur et à mesure de nos déplacements. Outre les rapports qu'elle a établis ainsi avec sa sœur, elle tient aussi au courant de sa marche un certain Mr. Clare, résident au fond du Somersetshire, par les mains duquel doivent passer toutes les lettres échangées entre elle et le fils de ce personnage. D'habiles questions m'ont amené à savoir qu'un Mr. Clare, le fils, est en Chine pour le moment. Je me doutais bien dès le début qu'il y avait un gentleman au fond de tout ceci, et je suis ravi qu'il se perde dans les lointaines perspectives de la terre d'Asie. Puisse-t-il n'en pas revenir de si tôt? J'ai à supporter la responsabilité, d'ailleurs assez légère, qui s'attachera au choix du nom sous lequel doit être présenté au public notre intelligente Magdalene. Elle ne prend aucun intérêt à ce détail de notre affaire commune. « Donnez-moi le nom qu'il vous plaira, » me disait-elle. « J'ai autant de droits l'un qu'à l'autre. Arrangez cela vous-même. » Je ne me suis pas fait prier pour consentir. Ma bibliothèque commerciale comprend une liste des noms qui se peuvent adopter utilement, et notre choix pourra être réalisé en 5 minutes lorsque cet admirable faiseur d'affaires, qui momentanément nous exploite, sera sur le point de lancer ses annonces. Là-dessus, je n'ai pas grande inquiétude. Toutes mes anxiétés se concentrent sur ma belle comédienne. Je ne doute nullement qu'elle ne fasse merveille dès le premier soir, pour peu qu'elle soit laissée à elle-même. Mais si le courrier du jour a la mauvaise idée de venir la bouleverser en lui apportant une lettre de sa sœur, j'ai vraiment peur de ce qui pourra s'en suivre. Intermède 4e, chronique de décembre, seconde quinzaine. Mon intelligent allié a fait sa première apparition devant le public et jeté les bases de notre fortune à venir. Pour la première soirée, l'auditoire se trouva plus nombreux que je n'avais osé l'espérer. La nouveauté d'une soirée dramatique remplie d'un bout à l'autre par les talents d'une jeune dame absolument réduite à elle-même, voire les annonces, avait éveillé la curiosité publique et nos banquettes étaient assez bien garnies. Le bonheur voulut qu'aucune lettre à l'adresse de Miss Vanstone ne fut arrivée ce jour-là. Elle resta donc parfaitement maîtresse d'elle-même jusqu'au moment où elle eut mis son premier costume et où elle entendit sonner la cloche qui donnait le signal aux musiciens de l'orchestre. À ce moment critique, le courage lui manqua tout à coup. Je la trouvais seule dans le salon d'attente, sanglotant et tenant des propos enfantins. « Pauvre papa, pauvre papa. Oh mon Dieu, s'il me voyait maintenant !» Mon expérience en ces matières m'apprit tout aussitôt qu'il fallait administrer les sels volatiles, accompagnés de sages conseils. Nous la remontâmes en un rien de temps au diapason voulu. Nous mîmes le feu à ses yeux, nous animâmes ses joues de manière à faire pâlir son rouge. Quand le rideau se leva, nous l'avions chauffée à une infinité de degrés. Elle se jeta tête baissée à sa besogne, exactement comme elle faisait dans l'arrière-salon de Rosemary Lane. Avant qu'elle eût ouvert la bouche, son aspect séduisant avait tranché la question de l'accueil à lui faire. Elle parcourut au grand galop ses changements de rôle, ses chansons et son dialogue, se trompant à chaque instant et ne s'arrêtant jamais pour réparer les erreurs qu'elle commettait à la douzaine, entraînant les gens avec elle dans un véritable tourbillon et ne leur laissant même pas le temps de l'applaudir. Tout fut enlevé plus de 20 minutes avant l'heure sur laquelle nous avions compté. Elle avait jusqu'au bout soutenu sa gageure et s'évanouit sur le sofa de la salle d'attente 1 minute après que la toile fut baissée. Le marchand de musique ayant perdu la tête à force de surprise, et moi, de mon côté, n'ayant pas pour me montrer un costume de soirée, nous dépêchâmes le médecin, chargé de nous excuser auprès du public qui rappelait Magdalène à tue-tête. Je soufflai de la coulisse à cet orateur de faculté une harangue vraiment bien tournée, et jamais de ma vie je n'entendis pareils applaudissements émaner d'un public relativement si peu nombreux. Je ressentis cet hommage, je le ressentis profondément. Il y a 14 ans, dans cette même ville, je gagnais péniblement une misérable vie en lisant le journal, avec explications et commentaires, aux habitués d'un cabaret. Et maintenant, me voici au pinacle. Inutile de dire que ma première démarche fut ensuite de rompre avec le marchand de musique. Il vint le lendemain matin apportant, je n'en doute pas, une proposition convenable pour étendre l'engagement au-delà de Derby et de Nottingham. On lui représenta ma nièce comme n'étant pas assez bien pour le recevoir, et quand il me demanda, on lui dit que je n'étais pas levé. Or, je m'occupais à ce moment-là même d'exposer la situation, dans les termes les plus pathétiques, à cette Magdalène si bien douée. Sa réponse fut satisfaisante au premier chef. Elle ne voulait s'engager à personne d'une manière permanente. Moins encore un homme assez sordide pour prendre avantage de notre position, à elle et à moi. Elle entendait rester maîtresse d'elle-même et partager avec moi les profits aussi longtemps qu'elle aurait besoin d'argent, aussi longtemps qu'il lui conviendrait de continuer. Jusque-là, rien de mieux. Mais le motif qu'ensuite elle me donna pour m'expliquer la préférence qu'elle m'accordait se trouva beaucoup moins de mon goût. « Le marchand de musique n'est pas l'homme que je compte employer pour mon enquête, » dit-elle. « C'est vous qui êtes cet homme. » Je n'aime pas à l'y voir cette constante préoccupation qui la suit jusque dans le premier étourdissement de son succès. Mauvais présage pour l'avenir. Présage infernal, si j'ose m'exprimer ainsi. Intermède 5e, chronique de janvier 1847. Elle a déjà montré le pied fourchu. Je commence à la redouter un peu. À la fin de notre engagement pour Nottingham, engagement dont les résultats avaient plus qu'égalé ceux de Derby, je proposais, maintenant que le divertissement était redevenu notre propriété, de le transporter à Newark. Miss Vanstone n'éleva aucune objection jusqu'au moment où la question de temps fut soulevée. Elle me surprit alors, et très vivement, en stipulant une semaine de délai avant de se montrer encore en public. « Et quel peut être votre dessein ?» demandai-je. « Mon dessein, » répondit-elle, « est de faire cette enquête dont je vous parlais à York. » Je m'étendis aussitôt sur les dangers du retard, développant devant elle toutes sortes de considérations exposées sous 1000 aspects différents. Elle demeura parfaitement inébranlable. J'essayai de la convaincre en lui remontrant à quelle dépense elle allait se condamner. Elle me tendit, pour toute réponse, sa part de profit dans les représentations de Derby et de Nottingham. Et en effet, je me trouvais ainsi défrayé de tout, à raison de quelque chose comme 2 guinées par jour. J'ignore le nom de celui qui, le premier, a choisi une mule pour type de l'obstination. Combien peu ce gaillard-là devait connaître les femmes. Il n'y avait pas à s'en défendre. Je pris mes instructions par écrit, comme d'ordinaire. Je devais d'abord m'appliquer à découvrir l'adresse de Mr. Michel Vanstone. On espérait de plus que je parviendrais à savoir combien de temps il était probable qu'il y résiderait encore, et s'il avait, oui ou non, vendu Combraven. Je m'informerai en outre de ses habitudes ordinaires, de l'emploi de son argent, des personnes qu'on pouvait regarder comme ses amis intimes, des termes dans lesquels il vivait avec Mr. Noel Vanstone, son fils. Mes investigations prendraient fin lorsque je serais parvenu à savoir s'il existait quelque parente, quelque femme exerçant son autorité sur le ménage, à qui l'on connut une certaine influence ou sur le père ou sur le fils. Si ma longue pratique dans la culture du champ des sympathies humaines ne m'avait pas habitué à l'étude secrète des affaires d'autrui, j'aurais peut-être trouvé difficile de satisfaire en 8 jours à quelques-unes de ces questions. Vu les circonstances, et profitant amplement de mon expérience acquise, je rapportais les réponses à Nottingham un jour avant le terme de l'époque assignée. Les voici en bon ordre pour faciliter les recherches futures. 1. Mr. Michel Vanstone habite maintenant German Place, Brighton, et paraît devoir y séjourner, car il trouve que l'air lui convient. C'est au mois de septembre dernier qu'il est arrivé à Londres, venant de Suisse, et il a vendu tout de suite le domaine de Combraven. 2. Ses habitudes sont cachées et solitaires. Il ne fait ou ne reçoit que fort peu de visites. On suppose qu'une partie de son argent est placée en fonds publics, et une autre partie en actions de chemin de fer, de celles qui ont survécu à la panique de 1846, et qui maintenant augmentent chaque jour de valeur. Depuis son arrivée en Angleterre, il a aussi spéculé d'une façon fort judicieuse sur la propriété bâtie. Il a des maisons dans certains quartiers de Londres où la circulation n'est pas encore à son apogée. Il en a d'autres dans des établissements de bains de mer situés sur les côtes de l'Est et dont la réputation s'étend chaque jour davantage. On dit que généralement, dans ces sortes d'affaires, il a fait des opérations très avantageuses. 3. Il n'est pas facile de découvrir quels peuvent être ses amis intimes. On a mentionné sous ce titre que 2 noms seulement. Le premier est celui de l'amiral Bartram, qu'on suppose avoir contracté certaines obligations envers Mr. Michel Vanstone à une époque assez reculée. Le second est celui de Mr. George Bartram, neveu de l'amiral, et qui depuis peu de temps est en visite à German Place. Mr. George Bartram est le fils de la sœur de Mr. André Vanstone, celle-ci également décédée. Il est donc le cousin de Mr. Noel Vanstone. Ce dernier, savoir Mr. Noel Vanstone, ne jouit pas d'une très forte santé. Il réside en compagnie de son père à German Place et vit avec lui dans les meilleurs termes. 4. Il n'y a point de parente dans la famille qui entoure Mr. Michel Vanstone. Mais il existe une femme de charge qui a toujours été à son service depuis la mort de sa femme et qui a pris une grande influence, tant sur le père que sur le fils. Elle est originaire de Suisse, dans la maturité de l'âge et veuve depuis assez longtemps. Son nom est Mrs. LeCount. Quand ces détails furent placés sous les yeux de Miss Vanstone, ils ne lui suggérèrent aucune remarque, mais de simples remerciements. J'essayai de provoquer sa confiance, mais ce fut en vain. Je n'obtins d'elle qu'un supplément de politesse, et une transition assez brusque nous ramena au sujet de notre divertissement. « À merveille ! Si elle ne veut pas me donner les renseignements dont j'ai besoin, la conclusion n'a rien que de fort simple. Il faudra me les procurer ailleurs. » Les affaires proprement dites réclament le demeurant de cette page. Voilà qui est dit, alignons nos chiffres. Exposé financier, 3e semaine de janvier. Localité visitée, Newark. Représentation 2. Recette nette, selon les écritures, 25 livres sterling. Division apparente des produits, Miss V, 12 livres sterling 10 shillings, moi-même, 12 livres sterling 10 shillings. Recette nette, présentement réalisée, 32 livres sterling 10 shillings. Division réelle des produits, Miss V, 12 livres sterling 10 shillings, moi-même, 20 livres sterling. Surplus particulier de la semaine, c'est-à-dire offrande que je me prie d'accepter, 7 livres sterling 10 shillings. Vérifié H. Reig, reconnu exact H. Reig. la prochaine redoute de sympathie nationale que nous allons enlever d'assaut est la cité manufacturière qu'on appelle Sheffield. La tranchée sera ouverte dès la première semaine de février. Intermède 6e, chronique de février. L'habitude de jouer a maintenant donné à ma belle parente cette confiance que je lui annonçais pour l'avenir. La faculté particulière qu'elle a de déguiser et transformer son identité, en prenant tour à tour différents rôles, émerveille tellement ses auditeurs que les mêmes personnes reviennent jusqu'à 2 ou 3 fois pour tâcher de surprendre le secret de ces métamorphoses. C'est le charmant défaut du public anglais de ne jamais savoir se rassasier de ce qui lui a une fois plu. On redemande à chaque instant celui des rôles de Magdalene qui a obtenu le plus de succès, savoir une vieille dame des comtés du Nord pour laquelle a servi de modèle cette honorable institutrice de la famille de feu Mr. Vanstone, avec laquelle je liais connaissance à Cambraven. Ce personnage en particulier surprend le spectateur naïf. Je n'en suis pas autrement étonné. On n'a pas encore vu, du moins dans tout le cours de ma longue expérience dramatique, une fillette de 19 ans se vieillir avec tant d'habileté. Il me semble que j'écris avec moins d'entrain qu'à l'ordinaire. Mon audacieuse gaieté me fait défaut. Le fait est que j'envisage l'avenir avec un certain abattement. À l'apogée de notre prospérité, ma perverse élève se préoccupe encore de ses vaines disputes de famille. Je me sens à la merci du premier caprice qui lui passera par la tête à propos de ce Vanstone. Comment, moi, devenir l'architecte de sa fortune? Sur mon âme, ce serait un peu fort. Déjà, d'après l'enquête qu'elle m'a forcé de faire en son honneur, elle a commencé sa campagne. Elle a écrit 2 lettres à Mr. Michel Vanstone. À la première lettre, pas de réponse. On a répondu au contraire à la seconde. L'infernale adresse de mon élève m'empêcha, par un obstacle imprévu, d'intercepter cette missive qui me semblait importante. Je m'en dédommageais dans la soirée du même jour, mais seulement après que la réponse eût été ouverte et lue par elle. Ce fut à peine, cependant, si mon stratagème réussit. Je n'eus guère plus d'une minute pour jeter un coup d'œil sur l'enveloppe pendant que Magdalene avait le dos tourné. Cette enveloppe ne renfermait rien que sa propre lettre, renvoyée sans avoir été ouverte. Je ne la crois pas, fille, à supporter tranquillement une pareille insulte. Il en arrivera un malheur. Malheur à Michel Vanstone, ce dont je me soucie fort médiocrement. Malheur à moi, ce qui est de la dernière importance. Intermède 7e, chronique de mars. Après avoir joué à Sheffield et à Manchester, nous nous sommes transportés à Liverpool, Preston et Lancaster. Autre changement de cette petite girouette. Elle n'a plus écrit à Michel Vanstone, et je la vois maintenant aussi désireuse que moi de se procurer de l'argent. Nous réalisons d'assez gros bénéfices, mais au prix de fatigues énormes. Je n'aime pas ce changement survenu en elle. Si elle n'avait pas en vue quelque objet particulier, elle ne serait pas si extraordinairement acharnée à remplir sa bourse. J'ai beau grouper les chiffres, cuisiner les comptes, me prier d'accepter maintes et maintes offrandes, je ne puis faire le vide dans cette bourse, qui grossit malgré moi. Le succès du divertissement et la subtile surveillance qu'exerce Magdalene sur tout ce qui touche à son intérêt pécuniaire me contraignent littéralement à une sorte d'honnêteté relative. Malgré mes efforts obstinés pour y mettre ordre, elle empoche encore plus d'un tiers des bénéfices, et ceci à mon âge, ceci après une longue et heureuse carrière d'agriculture morale. Les points d'exclamation ne signifient pas grand-chose. Ils peuvent néanmoins exprimer l'énergie de mes sentiments. C'est pourquoi je les prodigue ainsi. Intermède 8e. Chronique d'avril et de mai. Nous avons parcouru 7 grandes villes de plus, et nous voici maintenant à Birmingham. En consultant mes livres, je constate que le divertissement a rapporté à Miss Vanstone, jusqu'au moment où j'écris, l'énorme somme d'environ 400 livres sterling. Il est bien possible que ma part de profit monte misérablement à 100 ou 200 livres de plus. Mais je suis l'architecte de cette fortune, l'éditeur, en quelque sorte, du livre de Magdalene, et dans l'une ou l'autre hypothèse, je travaille à perte. Je faisais la découverte ci-dessus le 29 du mois. jour anniversaire de la restauration qui ramena sur le trône mon royal prédécesseur dans les champs de la sympathie humaine, Charles II d'Angleterre, le joyeux monarque. J'avais à peine refermé mon pupitre lorsque l'ingrat enfant dont j'ai fait la réputation entra dans la chambre où j'étais et me dit, mot pour mot, que nos relations d'affaires étaient pour le moment suspendues. Je n'essaierai pas de décrire mes sensations. Je me borne à relater les faits. Magdalène m'informait, avec les semblants du calme le plus impassible, qu'elle avait besoin de repos et visait à de nouvelles entreprises. Peut-être réclamerait-elle mon assistance. Peut-être aussi faudrait-il reprendre le divertissement. Dans tous les cas, un échange d'adresses suffirait, nous mettant à même de nous écrire s'il était nécessaire. Comme elle ne voulait pas me quitter trop brusquement, elle passerait avec nous la journée du lendemain, qui était dimanche, et partirait dans la matinée du lundi. Telle fut son explication, à laquelle je n'ajoute rien. Je savais par expérience que toute remontrance serait perdue. Je ne pouvais me prévaloir d'aucune autorité légitime. Je n'avais donc, dans cette situation pénible, qu'à découvrir la direction que mes intérêts me prescrivaient de suivre, et à y marcher sans une minute de vaine hésitation. Il ne m'a pas fallu beaucoup réfléchir pour m'assurer, depuis lors, que mon élève a formé quelques plans mystérieux à l'encontre de Michel Vanstone. Elle est jeune, belle, spirituelle, sans scrupules. Elle s'est procuré de l'argent, et dispose par conséquent du loisir nécessaire pour trouver le côté faible d'un vieillard. Elle va, par conséquent, attaquer Mr. Michel Vanstone à l'improviste, et avec les armes naturelles de son sexe. Est-il donc probable qu'elle ait besoin de moi dans cet objet? J'en doute fort. Ne veut-elle que se débarrasser de moi sans rupture ouverte? J'incline à le croire. Suis-je homme à me laisser ainsi traiter par l'élève que j'ai formé moi-même? Oh non, bien certainement. Je suis homme à chercher mon chemin au moyen d'alternatives logiques, habilement déduites. Or, ces alternatives, les voici. Première alternative. Déclarer que j'accepte sa proposition. Échanger respectivement nos adresses. Avoir secrètement l'œil ensuite sur toutes ses démarches à venir. Seconde alternative. Lui exprimer les tendres sollicitudes dont me rend susceptible ma quasi-paternité. La menacer, en conséquence, de donner l'alarme à sa sœur et à l'avocat, si elle persiste dans un dessein que je ne puis approuver. Troisième alternative, tirer le meilleur parti possible des renseignements que je possède déjà et en faire l'objet d'un marché entre Mr. Vanstone et moi. Pour le moment, j'incline vers la dernière de ces trois marches. Mais ma décision est beaucoup trop importante pour être prise à la hâte. Nous sommes aujourd'hui le 29. Je suspendrai ma chronique jusqu'à lundi. 31 mai. Mes alternatives et les plans de Magdalène sont également sens dessus-dessous. Le journal est arrivé comme d'ordinaire après le déjeuner. J'ai jeté un coup d'œil, et parmi les annonces mortuaires, je découvris cette mention mémorable. Le 29 du courant, à Brighton, Michel Vanstone, Esquire, autrefois résident à Zurich, âgé de 77 ans. Miss Vanstone était présente lorsque ces deux lignes me sautèrent aux yeux. Son chapeau était mis, ses caisses étaient rassemblées. Sans une seule parole, elle attendait avec impatience le moment de se rendre au chemin de fer. Je lui passai le journal, sans me permettre le moindre commentaire. Elle jeta les yeux sur le passage que je lui désignais et apprit ainsi la mort de Michel Vanstone. Le journal lui échappa des mains. Et par un mouvement brusque, elle rabattit son voile. Avant qu'elle m'eût ainsi caché sa figure, j'y jetai un rapide coup d'œil. L'effet qu'il produisit sur moi fut celui d'une extrême surprise. Pour traduire cette impression avec le sans-gêne plaisant qui m'est familier, je dirai simplement ceci. Le visage de Magdalène m'apprit que Michel Vanstone Esquire, autrefois résident à Zurich, n'a jamais de sa vie agi plus sensément qu'en quittant Brighton comme il l'a fait le 29 du présent mois. Le silence de mort qui régnait dans la chambre m'ayant paru, dans les circonstances sudites, tout particulièrement désagréable, je pensais qu'une remarque viendrait à propos. le respect que je porte à mes propres intérêts, me fournit le sujet de cette remarque. Je parlais du divertissement. « Après ce qui vient d'arriver, dis-je, nous allons probablement reprendre nos représentations comme à l'ordinaire ?»« Non, » répondit-elle, la figure toujours cachée par son voile. « Nous allons reprendre mon enquête. » « Et quoi, s'enquérir d'un mort ?»« Non, mais s'enquérir du fils qu'il laisse. »« Mr. Noel Vanstone ?»« Oui, Mr. Noel Vanstone. » N'ayant pas de voile à laisser tomber sur mon front, je me baissai pour ramasser le journal. La détermination diabolique de cette jeune fille me parut dans le moment tout à fait renversante. J'eus à me remettre avant de lui adresser de nouveau la parole. « L'enquête nouvelle n'a rien de plus nuisible que la première. »« Rien de plus nuisible. » Qu'aurais-je à découvrir? Je désire savoir si Mr. Noel Vanstone reste à Brighton après les funérailles. Et sinon? Sinon, je veux savoir sa nouvelle adresse en quelque lieu qu'il aille résider. Fort bien, et après? Vous aurez à découvrir ensuite si toute la fortune du père échoit au fils. Je commençais à la voir venir. Ce mot fortune m'avait soulagé. Je me sentais de nouveau sur mon terrain. Y a-t-il autre chose? Demandai-je. Une seule chose encore, répondit-elle. Assurez-vous, je vous prie, si Mrs. LeCount, la femme de charge, demeure ou non au service de Mr. Noel Vanstone. Quand elle en vint à mentionner le nom de Mrs. LeCount, sa voix s'altéra légèrement. Il est clair qu'elle est bien assez fine pour se méfier déjà de la femme de charge. Mes frais me seront remboursés comme à l'ordinaire, lui dis-je. Comme à l'ordinaire. Quand dois-je quitter Brighton? Aussitôt que vous le pourrez. Elle se leva et sortit de l'appartement. Après un instant d'hésitation, je me décidai à remplir le nouveau mandat. Plus j'aurai à conduire de mystérieuses enquêtes pour le compte de ma belle parente, plus elle se débarrassera difficilement de son trait dévoué Horatio Raig. Rien ne m'empêche de quitter Brighton dès demain. C'est donc demain que je pars. Si Mr. Noel Vanstone succède effectivement aux propriétés de son père, c'est le seul être humain, doué des bienfaits de l'opulence, qui ne m'inspire pas un sentiment de jalousie, bien complet et sans réserve. Intermède 9e, chronique de juin. Le 9. Je suis revenu hier avec mes renseignements, que je consigne ici afin de les avoir plus tard sous les yeux en cas de besoin. Mr. Noel Vanstone a quitté hier Brighton et s'est transporté à Londres dans une des maisons inoccupées que feu son père possédait dans Vauxhall Walk, Lambeth. Ce choix singulier d'une résidence très vulgaire, fait par un individu fort riche, semblerait indiquer que Mr. Envy ne se sépare pas facilement de ses écus. Voici dans quelles circonstances Mr. Noel Vanstone a chaussé les souliers de son père. Mr. Michel Vanstone, ceci est assez curieux, paraît être mort comme Mr. André Vanstone, c'est-à-dire ab intestat. Avec cette différence, cependant, que le cadet des deux frères laissa un testament nul par défaut de forme, tandis que l'aîné ne laisse aucune espèce de testament. Les hommes les mieux cuirassés ont leurs faiblesses, et le côté faible de Mr. Michel Vanstone semble avoir été une répugnance insurmontable à regarder la mort en face. Son fils, sa femme de charge et son avocat ont essayé tous les trois, à maintes et maintes reprises, de lui faire faire un testament. Jamais ils n'ont ébranlé la résistance obstinée avec laquelle il ajournait sans cesse l'unique affaire qu'on lui ait jamais vue négliger. Deux médecins le soignaient dans sa dernière maladie. Tous deux l'avertissaient qu'il était trop vieux pour pouvoir compter sur une guérison. Ils l'avertissaient en vain. Ce mortel entêté manifestait l'intention positive de ne pas mourir. Ses dernières paroles en ce monde, je le tiens de la garde qui assistait Mrs. LeCount, ses dernières paroles furent « Je me sens mieux de minute en minute. Envoyez bien vite chercher un cabriolet et qu'on me mène à la promenade. » Le même soir, il se trouva que la mort était la plus obstinée des deux. Elle fit passer sur la tête de Mr. Vanstone fils, unique enfant du défunt, toute la propriété régie par la loi. Personne ne doute, en reste, que le résultat n'eût été le même s'il eût existé un testament. Le père et le fils avaient pleine confiance l'un dans l'autre et tout le monde sait qu'ils ont toujours vécu dans les meilleurs termes. Mrs. LeCount reste avec Mr. Noel Vanstone et conserve auprès de lui les mêmes fonctions de femme de charge qu'elle remplissait auprès du père. Elle l'a accompagné dans sa nouvelle résidence de Vauxhall Walk. On reconnaît généralement que la tournure des événements lui porte un grave dommage. Si Mr. Michael Vanstone avait fait son testament, nul doute qu'il n'y eût été bien traité. Elle n'a plus maintenant à compter que sur la reconnaissance de Mr. Noel Vanstone, et il n'est pas probable, je l'imagine du moins, qu'elle laisse s'engourdir ce sentiment, faute de lui donner, de temps à autre, une légère secousse. Quant à savoir si les intentions futures de ma belle parente ont pour objet la vengeance ou le profit, je me déclare incapable de résoudre cette importante question. Mais dans l'une ou l'autre hypothèse, je crois pouvoir prédire qu'elle rencontrera chez Mrs. LeCount une opposition embarrassante. Jusqu'à présent, telles sont, en somme, mes informations. L'accueil que leur a fait Miss Vanstone indiquait de sa part les plus ingrats soupçons. Mes oreilles n'ont reçu d'elle qu'une simple formule de reconnaissance, sans autre aveu. La jeune personne est subtile, diablement subtile pour son âge. Mais il peut arriver qu'on se trompe en excluant quelqu'un de sa confiance une fois de trop, plus particulièrement quand ce quelqu'un s'appelle Raig. Pas un mot de plus à propos du divertissement. Pas un mot de plus sur notre départ de cette localité. Rien de mieux. Ma main droite propose un pari à ma main gauche. 10 contre 1 que ma nièce entre en communication avec le fils, comme jadis avec le père. 10 contre 1 qu'elle écrit à Noel Vanstone avant la fin de ce mois. Le 20. Elle a écrit par le courrier de ce jour. Apparemment une longue lettre, car elle a mis 2 timbres sur l'enveloppe. Mémorandum particulier destiné à moi-même, guettez la réponse. Le 22, 23, 24. Mémorandum particulier, répétez chaque jour, guettez la réponse. Le 25. La réponse est arrivée. En ma qualité d'ancien militaire, j'ai tout naturellement employé un stratagème pour la saisir au passage. Le succès qui récompense toujours la vraie persévérance a récompensé la mienne, et j'ai saisi la précieuse lettre. Elle est écrite non par Mr. Noel Vanstone, mais par Mrs. LeCount. Cette dame le prend de fort haut, sur un ton de courtoisie enfiêlée. La santé délicate de Mr. Noel Vanstone et la perte récente qu'il vient de subir l'empêchent d'écrire lui-même. Toute lettre de Miss Vanstone qui lui parviendrait ultérieurement serait retournée sans avoir été ouverte. Toute visite personnelle aurait pour effet un recours immédiat à la protection des lois. Mr. Noel Vanstone, que feu son père a expressément mis en garde contre Miss Magdalene Vanstone, n'a pas encore oublié les conseils de ce père regrettable et chéri. Il regarde comme un blâme indirect jeté à la mémoire du meilleur des hommes cette supposition qu'il pourrait agir à l'égard de Miss Vanstone autrement que son père n'aurait agi lui-même. C'est ce qu'il a chargé Mrs. LeCount de lui dire. Elle, en revanche, a tâché de s'exprimer dans les termes les plus conciliants. Elle a voulu, par pure courtoisie et afin de ne pas l'affliger inutilement, donner à Miss Vanstone le nom de famille qu'elle portait naguère. Aussi compte-t-elle que ses concessions, faciles à interpréter, ne seront pas perdues. Telle est la substance de la lettre et telle en est la péroraison. De ce petit document, je tire 2 conclusions. Premièrement, qu'il engendrera de sérieux inconvénients. En second lieu, que Mrs. LeCount, avec toute sa politesse, est une femme dangereuse à rencontrer sur son chemin. Je voudrais bien savoir au clair comment manœuvrer. Pour l'instant, je n'y vois que du feu. Le 29. Miss Vanstone a renoncé à ma protection. Et en même temps qu'elle, je perds tout le profit à venir que j'attendais du divertissement. Je suis volé. Oui, moi. Le dernier homme de ce bas monde qui dut se voir réduit à une si honteuse confession, je suis volé. Enregistrons les événements. Il me place provisoirement sous un jour assez triste. Mais la nature de l'homme l'emporte toujours. Il faut que je consigne par écrit tout ce qui m'arrive. C'est hier que me fut notifiée la nouvelle de son prochain départ. Après de nouveaux remerciements sur les informations que j'avais recueillies à Brighton, elle laissa entendre qu'il fallait pousser l'enquête un peu plus loin. J'offris immédiatement de m'en charger comme auparavant. « Non, » dit-elle, « cette fois la chose n'est plus à votre portée. » L'enquête regarde une femme, et j'entends m'en charger moi-même. Secrètement convaincu que cette nouvelle résolution concernait directement Mrs. LeCount, je hasardais à ce sujet quelques innocentes questions. auquel, fort tranquillement, ma nièce refusa de répondre. Je lui demandai ensuite quand elle se proposait de partir. Elle partirait le 28. À quelle destination ? Londres. Pour longtemps ? Probablement non. Toute seule ? Non. Avec moi ? Non. Avec qui donc ? Avec Mrs. Rake, si je voulais bien le permettre. Et dans quel but, grand Dieu ? Dans le but de se procurer un logement convenable, ce qui lui serait fort difficile sans un chaperon d'un âge mûr. Et moi, en ma qualité de chaperon mâle, devrais-je rester absolument en dehors de cette combinaison ? Impossible de le dire quant à présent. Ne serais-je pas même chargé de lui faire parvenir les lettres qui arriveraient pour elle à notre présente adresse ? Non, elle prendrait elle-même ses arrangements avec le bureau de poste, et elle me demanderait en revanche une adresse où il lui serait loisible de m'écrire, pour le cas où de nouvelles communications deviendraient nécessaires. Après cette dernière réponse, tout supplément d'interrogatoire ne pouvait aboutir qu'à une perte de temps. J'épargnai du temps en n'ajoutant aucune question. Il était clair pour moi que notre position actuelle, vis-à-vis l'un de l'autre, était exactement la même qu'avant la mort de Michel Vanstone. J'en revins donc, comme devant, à choisir entre les diverses alternatives. Quelle marche me trace mes intérêts particuliers ? Faut-il me confier à cette chance que peut-être, un jour, elle aura encore besoin de moi ? Faut-il la menacer de faire intervenir ses parents et ses amis ? Vaut-il mieux, des renseignements que je possède, trafiquer avec la branche opulente de la famille ? Entre les trois alternatives, c'est la dernière que j'avais choisie quand le père vivait encore. Je ne vois pas de motif pour ne pas m'y tenir vis-à-vis du fils. Le train est parti pour Londres il y a près de 4 heures, et il emportait Magdalène en compagnie de Mrs. Rake. Ma femme est bien trop sotte, la pauvre âme, pour être d'aucune utilité active dans les circonstances présentes. Mais elle sera d'une utilité passive, par cela seul qu'elle maintient un lien quelconque entre Miss Vanstone et moi. En considération de ceci, je veux bien brosser mes pantalons, me faire la barbe, et me soumettre aux autres ennuis que comporte mon service personnel pendant une période nécessairement limitée. Les quelques lueurs de bon sens que Mrs. Rake possédait peut-être encore semblent maintenant avoir pris pour jamais congé d'elle. En recevant la permission d'aller à Londres, elle nous a immédiatement régalé de ces deux questions. Pourrait-elle quelquefois courir les magasins ? Et pourrait-elle laisser derrière elle le livre de cuisine ? Miss Vanstone a répondu affirmativement à la première question. J'ai répondu affirmativement à la seconde. À partir de ce moment, Mrs. Rake est devenue un éclat de rire perpétuel. Je suis encore enroué par l'usage fréquent et tout à fait inutile que j'ai fait de mon stimulant vocal pour la maintenir un peu, et je l'ai laissé dans le wagon du chemin de fer, à mon inexprimable contrariété, ayant ses deux souliers en pantoufles. Dans les circonstances ordinaires, ces détails absurdes ne me seraient pas restés en tête. Comme vont présentement les affaires, l'imbécilité naturelle de ma pauvre femme peut avoir des conséquences que nul de nous ne prévoit. Elle n'est ni plus ni moins qu'un vieil enfant, et je m'aperçois facilement que, pour cette raison-là même, Miss Vanstone montre en elle plus de confiance qu'elle n'en aurait avec une femme plus intelligente. Or, je connais les enfants, grands et petits, un peu mieux que ne les connaît ma belle parente, et j'affirme qu'il faut se méfier de toutes les formes de l'innocence humaine lorsqu'on a par hasard quelque chose secrète à garder pour soi. Retournons à nos affaires. Me voici, à 2 heures, par une belle après-midi d'été, bien parfaitement seul, occupé à réfléchir sur le moyen le plus sûr d'aborder Mr. Noel Vanstone, mais cette fois pour mon propre compte. Le soupçon que j'ai à part moi de son avarice constitutionnelle ne me décourage aucunement. J'ai su jadis arracher des résultats monnayés assez consolants à des gens aussi soigneux de leurs petits écus que celui-là peut l'être des siens. La difficulté réelle sera de combattre les obstacles venant de Mrs. LeCount. Si je ne me trompe pas, cette dame mérite de ma part quelques considérations sérieuses. Je vais clore ma chronique du jour et accorder à Mrs. LeCount ce qu'elle mérite. 3 heures. Je rouvre ces pages pour y mentionner une circonstance qui m'a causé la plus vive surprise. Comme je venais de compléter le dernier paragraphe, une circonstance m'est revenue en tête que j'avais notée ce matin en escortant ces dames jusqu'au chemin de fer. Je remarquai alors que Miss Vanstone n'emportait avec elle qu'une de ces trois caisses, et l'idée me vint tout à l'heure qu'une secrète investigation des bagages qu'elle a laissés derrière elle pourrait bien avoir quelques résultats utiles. M'étant habitué en certaines périodes de ma vie à cultiver de bonnes relations avec les serrures d'autrui, je suis parvenu, sans beaucoup de peine, à me mettre avec les caisses de Miss Vanstone sur un certain pied de familiarité. L'une d'elles ne m'a rien offert qui pût m'intéresser, l'autre, spécialement consacrée aux costumes et aux articles de toilette employés pour le divertissement dramatique, m'a paru plus digne d'examen, car elle m'a conduit tout droit à la découverte d'un des secrets de l'aimable propriétaire. J'ai trouvé dans cette caisse tous les costumes au grand complet, sauf une exception digne d'être remarquée. Cette exception porte sur le costume de la vieille dame des Comtés du Nord, rôle que j'ai déjà mentionné comme le meilleur des déguisements de mon élève et comme reproduisant le son de voix, les gestes, les attitudes de Miss Garth, son ancienne institutrice. Le tour frisé, les faux sourcils, le chapeau et le voile, le manteau ouaté de manière à modifier l'aspect du dos et des épaules, les couleurs et cosmétiques employés pour vieillir la face et flétrir le teint, tout cela était emporté. Il ne restait que la robe, robe de soie à fleurs qui peut bien servir à la scène, mais trop voyante et d'une forme trop ridicule pour soutenir un examen de jour. Les autres portions du costume se maintiennent dans des bornes qui les rendent à peu près vraisemblables. Le chapeau et le voile sont simplement démodés. Le manteau est d'un gris calme qui n'éveille aucun soupçon. D'une découverte comme celle-ci, on ne peut tirer qu'une conclusion satisfaisante. Aussi vrai que je suis assis dans ce fauteuil, Magdalene va ouvrir sa campagne contre Noël Vanstone et Mrs. LeCount sous les traits d'un personnage que ni l'un ni l'autre n'ont la moindre raison de suspecter au début. Ce personnage est Miss Garth. Dans de telles circonstances, quel parti dois-je prendre? Maître de son secret, qu'en puis-je faire? Ce sont là des considérations embarrassantes. Je ne sais vraiment pas m'y reconnaître. Ce qui cause ma perplexité n'est pas seulement ce fait qu'il lui a plu de se déguiser pour amener la réalisation de ses plans mystérieux. On voit par centaines des jeunes filles à qui prend cette fantaisie de travestissement. Les journaux sont remplis chaque année d'aventures de ce genre. Mais il ne faut pas confondre un seul instant mon ancienne élève avec les héroïnes ordinaires de ces drames bourgeois. Elle est capable de bien d'autres exploits que ceux qui consistent tout simplement à se vêtir en homme et à prendre d'un homme la voix et la démarche. Naturellement douée d'une aptitude que je n'ai vue au même degré chez aucune femme, pour remplir tour à tour les rôles les plus divers, elle a joué, devant le public, de manière à constater pour elle-même son talent exceptionnel et à le pousser aussi haut qu'il puisse aller. Une jeune fille qui se sert d'une telle faculté pour aider dans la vie privée à la réalisation de ses plans, et qui l'aiguise encore par une résolution tellement ferme de se frayer un chemin vers le but choisi par elle, que jusqu'à présent rien n'a pu lui résister, cette jeune fille-là tente une sorte de déception assez neuve, assez dangereuse, pour conduire de manière ou d'autre à des résultats fort graves. Telle est du moins ma conviction, fondée sur une longue expérience dans l'art d'en remontrer à mes contemporains. L'entreprise de ma belle parente m'apparaît aujourd'hui tout autre que je ne la voyais avant d'avoir fait connaissance avec le contenu de cette caisse. Les chances favorables ou contraires avec lesquelles Magdalene va combattre pour recouvrer sa fortune perdue sont tellement équilibrées que je ne saurais voir en aucune façon, et malgré toutes les peines que je me donne, de quel côté penche la balance. Tout ce que je puis discerner, c'est que bien certainement, elle penchera d'un côté ou de l'autre le jour où ma nièce franchira, déguisée, le seuil de Noël Vanstone. De quel côté maintenant mes intérêts devraient-ils me conduire? Sur mon honneur, je n'en sais pas le premier mot. 5 heures. Je suis arrivé à un compromis magistral. Je me suis décidé à faire de moi une lame à deux tranchants. Par le courrier de ce jour, j'ai dépêché à Londres une lettre anonyme portant l'adresse de Mr. Noël Vanstone. Elle sera transmise à destination par les mêmes moyens que j'ai si heureusement adoptés pour mystifier Mr. Pendrell. et on doit la recevoir à Vauxhall Walk, Lambeth, demain dans l'après-midi ou plus tard. La lettre est laconique et va droit au but. Elle prévient Mr. Noel Vanstone, dans les termes les plus inquiétants, qu'on veut le rendre victime d'un complot, et que le premier artisan de ce complot est une jeune personne qui a déjà entretenu des communications écrites avec son père et avec lui-même. La lettre lui offre des renseignements nécessaires pour le mettre complètement à l'abri, à condition qu'il compensera pour la personne qui lui écrit les risques sérieux qu'elle encourrait par une pareille dénonciation. Et le tout finit par cette stipulation que la réponse devra figurer aux annonces du Times. Elle sera adressée à un ami inconnu et dira simplement le chiffre de la rémunération qu'offre Mr. Noel Vanstone en échange du service inappréciable qu'on veut bien lui rendre. À moins qu'il ne se présente quelques complications inattendues, cette lettre me place exactement dans la position que réclament mes intérêts. Si l'annonce paraît, et si la rémunération offerte est assez considérable pour mériter que je passe dans le camp de l'ennemi, j'y passerai, cela va sans dire. S'il ne paraît pas d'annonce, ou si Mr. Noel Vanstone met un trop bas prix à mes inappréciables services, je reste ici, attendant que ma belle parente ait besoin de moi, ou que j'aie trouvé un moyen de me rendre indispensable à elle, ce qui revient absolument au même. Si la lettre anonyme venait à tomber dans ses mains par quelque accident, elle y trouvera des allusions désobligeantes pour moi, et que j'y ai introduites à dessein, désirant qu'on pût l'attribuer à quelqu'une des personnes chez qui j'ai puisé des renseignements pour notre dernière enquête. Si Mrs. LeCount, prenant l'affaire en main, dispose un traquenard pour m'y reprendre, je me soustrais à la tentation en refusant absolument la moindre participation à l'affaire, du moment où un tiers quelconque se place entre Mr. Vanstone et moi. Donc, que l'issue soit ce qu'elle voudra, me voici toujours prêt à en tirer parti. Me voici à la rencontre des deux routes, parfaitement tranquille et parfaitement à mon aise, à l'état d'agriculteur moral ayant l'œil sur deux moissons à la fois et tenant prête, pour toute occurrence, sa faucille pipresse. Durant la semaine qui vient, la lecture du journal aura pour moi un intérêt plus particulier que jamais. Je me demande, avec une véritable curiosité, à laquelle des deux parties belligérantes le sort attribuera mes services.